combattrai toujours pour la famille. Avec le million j'investirai en Afrique contre la famine. Mine bien les gens, trop souvent c'est tes proches qui te la mettent sans raison. J'coule des larmes de sang, l'Albanie c'est ce qui fait ma fierté garçon. T'es ouf dans ma tête, ça tombe pas rond. On arrive dans la street avec les 11 commandements. Aimer sa famille et défendre son pays, c'est ce qu'on m'a appris depuis ma naissance. J'tire sur des grosses plis pour oublier cette haine qui m'attriste. Albos en première liste d'affiches, nous parle pas d'amour, on sait pas ce que ça veut dire. Y'a que la haine qui nous fait rougir. Les roses du 14 février, on n'a jamais connu. Crâne balafré, des gars, des beaux gosses dans l'avenue. J't'annonce mon grand retour comme les soldats d'Albanie. On parle pas d'œuf bien, ça existe pas. Y'a que dans Blanche-Neige que l'amour se termine bien. La haine nous méprise, on passe nos soirées sous shit. On essaye de s'évader de ce monde de chiens qui nous attriste. MC Kabil, Edman, Albos, c'est la relève de demain. MC Kabil, Edman, Albos, c'est la relève de demain. J'ai une calage dans la trachée. Ma rage vient te la fou, je viens te la cracher. Sur mon trajet, gosse enragé. Comme le 11 septembre, je viens me cracher. Sur les tours du rap, quand je paierai tout, des raps. Dans le stud, attentat d'Irak. J'ai une teuté de calot, je prends de la gueudro. Du seum, pas de la coke, je bois pas que de l'eau. Satan S, demain tu es un pédophile, tu prends 17 ans de heps. Faut surtout pas qu'elle sente à la vente ou t'arriveras pas à la vente. Faut te remplir les poches pour pouvoir te remplir le ventre. J'ai eu la fièvre, pas celle du samedi soir. J'ai vu qu'on crève à se frotter à de sales histoires. J'ai vu le bonheur au bout de la rue. J'ai vu que le malheur faisait le bonheur à de la rue. La haine nous méprise, on passe nos soirées sous shit. On essaye de s'évader de ce monde de chiens qui nous attriste. MC Kabil, Edman, Albos, c'est la relève de demain. MC Kabil, Edman, Albos, c'est la relève de demain. Mais qui t'a dit que dans le rap je savais que raconter ma vie? Je te le dis d'avance, avec moi la concurrence est dead. Pas besoin de gun, mais juste un peu d'oseille pour rentrer au bled. J'ai trop la haine, mais t'inquiète, faut faire avec. Au mic c'est moi, et ça sera toujours moi. Je débarque avec la paix, mais j'emmerde tous ceux qui pissent sur le RAP. Enfant du terre-terre, rien à faire, ici c'est la galère. Parmi les amis y'a des putes, et parmi les putes y'a ta mère. Du berceau à la tombe, je resterai vénère. Si je te respecte, c'est pas par peur, mais par honneur. J'ai grandi au bled, j'ai rien à voir avec ces putains de rappeurs. Dédicace à mes frères en heb sous mort. En passant par Jamel jusqu'à Rythmo la terreur. La haine nous méprise, on passe nos soirées sous shit. On essaye de s'évader de ce monde de chiens qui nous attriste. MC Kabil, Edman, Albos, c'est la relève de demain. MC Kabil, Edman, Albos, c'est la relève de demain. La haine nous méprise, on passe nos soirées sous shit. On essaye de s'évader de ce monde de chiens qui nous attriste. MC Kabil, Edman, Albos, c'est la relève de demain.